Un autre verbe porte-manteau, c'est devoir. Müssen. M-U-Umlaut, 2-S-E-N. Müssen. Wir müssen. Sie müssen. Mais au singulier, muss. Ich muss. Je dois. Je dois apporter la mousse. Er muss. Il doit. Sie muss. Elle doit. Es muss. Ça doit. Donc, comment dira-t-on « je dois partir maintenant » sachant qu'ici « partir » se dit comme « aller ». Ich muss. Ich muss jetzt. Gehen. Bien. Ich muss jetzt gehen. Et nous devons l'acheter. Wir müssen es kaufen. Bien. Wir müssen es kaufen. Et vous devez m'attendre, sachant qu'en allemand on attend sur quelqu'un. Donc, vous devez attendre sur moi. Sie müssen auf mich warten. Bien. Sie müssen auf mich warten. Oui. Warten, c'est attendre. Warten. Et pour devoir au passé, on a ich musste. Ich musste. Sans tréma, sans umlaut. Musste. Ich musste, c'est je devais. Donc, je devais rester ici, ça donnera ich musste hier. Ich musste hier. Rester. Bleiben. Bien. Ich musste hier bleiben. Ich musste, c'est je devais. Et on utilise la même forme pour il devait. Er musste. Elle devait. Sie musste. Ça devait. Es musste. Comment diriez-vous il devait m'attendre? Er musste auf mich warten. Bien. Er musste auf mich warten. Donc, on a là un autre porte-manteau bien utile. C'est müssen, devoir. Au présent, ça donne muss et müssen. Et au passé, musste et mussten. Comment diriez-vous nous devions rester ici? Wir mussten hier bleiben. Bien. Wir mussten hier bleiben. Et il au pluriel devait m'attendre? Sie mussten auf mich warten. Oui. Sie mussten auf mich warten. Un autre verbe porte-manteau très important est vouloir. Comment dit-on je veux? Ich. Ich will. Ich will. Il veut. Er will. Er will. Il veut. Et donc, il veut l'acheter? Er will es kaufen. Er will es kaufen. Mais il ne peut pas l'acheter parce que c'est très cher. Aber. Il ne peut pas l'acheter. Er kann nicht es kaufen. Oui, mais on entendra plus souvent aber er kann es nicht kaufen. Le nicht est placé devant le verbe, après es. Bien évidemment, kann est le verbe porte-manteau ici et porte le verbe kaufen jusqu'à la fin de la phrase et à l'infinitif. Er kann es nicht kaufen. Parce que c'est très cher. Weil es sehr teuer. Sehr teuer. Donc, on a weil es sehr teuer ist. Oui, weil es sehr teuer ist. Vous pouvez aussi dire parce que c'est trop cher. Weil es trop se dit zu. Zu. Bien. Donc, parce que c'est trop cher. Weil es zu teuer ist. Bien. Weil es zu teuer ist. Et comment direz-vous, il ne veut pas l'avoir? Er. Là, vous avez besoin du porte-manteau will. Will. Et à will, oui. Donc, il ne veut pas l'avoir. Er will es nicht haben. Oui. Er will es nicht haben. C'est le porte-manteau en will.